influence parce que souvent les gens ouais. Non, t'inquiète pas, c'est un noir blanc lui. Non mais si, non, t'as raison, il y a c'est un il y a des très grandes différences de rythmique entre le nord et le sud du Brésil. Il faut savoir que c'est très grand le Brésil, ça fait 15 fois la France. Donc quand tu te bats d'un endroit à l'autre, c'est pas c'est très différent. Et donc nous, oui, on essaie de varier un petit peu le répertoire en faisant travailler des morceaux du Nord-Est et de Rio. Voilà. Donc on a de l'afro et du samba pur. Comment on fait pour vous rejoindre si on en a envie, et puis les contacts et puis vos prochaines dates? Eh ben, pour nous rejoindre, alors il faut tout simplement taper Atabak sur Google, ATABAK, et là il y a .org. Et là, il y a toutes nos coordonnées qui sont là. Donc, on donne des cours de danse et des cours de percussion. On est, en fait, on est la seule école de samba au nord de Paris. Voilà. La seule. La seule, ouais. Il y a d'autres groupes, mais ils font pas les, ils font pas les cours comme nous. Et vos prochaines dates de prestation? Alors, il y a au Bourdin le 10 mai. On joue le 30, le 30 mai. Enfin, je sais plus exactement. Et là, tu parlais de la fête de la musique là, non, tout à l'heure? Oui, la fête de musique. Mais alors, on va faire un truc. Le matin, je pense, sur Lille. Ouais. Et après, on est engagé pour animer d'autres villes dans la région. Oui, parce que là ça va être les beaux jours. Donc, en bateau cadre extérieur, c'est le moment de c'est prendre l'argent. Et surtout les danseuses, parce qu'il fait très chaud. Surtout les danseuses, ouais. Surtout ça. C'est les pauvres en hiver, en bikini, c'est pas évident pour elles. Et c'est même pour ça qu'on a beaucoup de chewing-gum à distribuer. Donc des chewing-gums ouverts. Ouais, on vous remercie d'être passé. Et puis, on retourne tout de suite. Eh bien, merci de nous avoir invités. On nous met très merci. Merci à tout de suite sur la grande scène avec cher Célie Bémol et Malik Berki sur la grande scène de la Louche d'Or, 15e édition du festival de la soupe à Oiseau. Merci messieurs, vous êtes bons. Et 2 minutes déjà, on vous rappelle, c'est la transmission en direct des Radio Campus. Merci. Depuis la fête de la soupe. Ce soir, nous avons le plaisir aussi d'accueillir sur scène à l'esprit, à la percussion, que vous connaissez sans doute tous. I'm وصلنا راح وسالي فتح وسش علي ما ضلت علي ما ضلش علي Merci. Maintenant, on va vous chanter une chanson qu'on a fait spécialement pour notre pharmacien, un certain Benoît, qui nous ramène vraiment tout ce qu'on a, tout ce qu'il faut pour guérir l'esprit et les âmes. Oh, un petit coup de vin, un petit... de quoi... respirer un peu, vraiment en tout. Un très bon pharmacien. Et donc la chanson, on l'a appelée tout simplement La Benoît. Voilà. Thank you. Radio Campus, les 106,6, la radio libre de Nord-Pas-de-Calais. This is a horrible story of Blues Buzenzel. C'est l'histoire d'un mec, il a 7 enfants. Et parmi les 7 enfants, aucun ne lui ressemble. Alors il a quelques petits soupçons. D'autant plus qu'il y en a un, il ressemble un peu au facteur, l'autre, il ressemble un peu au boucher. parce qu'il ressemble un peu au voisin, nous en... Ah, pourquoi tu m'as trompé, ya makhalouqa? Pourquoi tu m'as trompé, ya mzaouqa? Pourquoi tu m'as trompé, ya makhalouqa? Où est-ce que tu es parti, ya mzaouqa? Thank you. Yann Demek au saxophone, Malik Berki au son. Et maintenant, une autre chanson d'amour. Interprété par dignement Frédéric. Parce que qui ici peut mieux que Frédéric nous parler d'amour? Je ne sais pas. Aussi. Ok, merci Yann, ça ira. Ça a commencé. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent. Que ça fait de te voir rouler assis, tes yeux et tes hanches, si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche, couleur café, que j'aime ta couleur café, couleur. L'amour sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Dès que veux-tu que j'y fasse, on en a marre le café. Et c'est terminé, pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Never ever in a day, never went away. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Never ever in a day, never went away. Vous êtes prêts? J'entends rien. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes là, là? On y va! Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Messieurs, à l'accordéon et au chant, Monsieur Bastien Charlery. Merci beaucoup. Alors, on va faire une chanson qui s'appelle Gitsi Gitsi. C'est la chanson qui fait bouger le bassin méditerranéen. Vous voyez, là, comme ça, là. Vous avez compris? Là, plutôt en bas, là. Voilà, on est bien. Ok. Bon, si vous aimez bien chanter, on chantera aussi dans cette chanson. Hein. Je sens que vous aimez bien chanter. Hein, vous avez envie? Vous êtes motivé? Ouh! Ok, c'est parti! T'es prêt? Ok! Don't be sugarie, mitsa sugarie, mitsa sugarie. Ma fille est tellement belle, ma fille est tellement belle, ma fille est tellement belle, ma fille est tellement belle. Allez, faut y aller là-bas. Gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi. Gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, gitsi, voici maintenant une chanson qui est dédiée à tous les apatrides de la terre. Et il y en a beaucoup. Balade apatride. Mon visage, un visa de passeport. On me traîne de foyer banquise, de banquise en banlieue Pôle Nord. Entre les charités frileuses et les frères présidents à vie, il faut bien que ma vie se creuse un trou pour passer la nuit. Je suis excellent géographe, je connais toutes les cartes de séjour. Tous les paraves, j'en ai fait plusieurs fois le tour. Le tour du monde. monde des polices, des postes frontières au matin gris, le tour des regards qu'on vous glisse quand on a l'accent indécis. Indécis. Étranger où que j'aille, mes drapeaux, mes médailles ne sont que des chansons, juste un détail. Juste un détail. Juste un détail. Juste un détail. Rien n'est à moi, tout est aux autres, le boulot, la terre et le pain. Même les saisons, le ciel sont vôtres, vous êtes logique, je ne suis rien. Rien qu'un errant, un apatride, du sang bizarre, un drôle de son, une note flétrie comme une vide dans le beau concert des nations. Des nations. Étranger où que j'aille, mes drapeaux, mes médailles ne sont que des chansons, juste un détail. Juste un détail. Juste un détail. Juste un détail. Juste un détail. Juste un détail. Juste un détail. Juste un détail. Merci. On va faire un petit tour en Turquie avec une chanson qui s'appelle Oylum. Oylum, Oylum, seni seviyorum. Oylum, c'est le prénom d'une jeune femme qu'on a rencontrée là-bas. Et on lui dédie cette chanson en disant « Oylum, seni seviyorum ». Seni seviyorum, pour ceux qui vont en Turquie, c'est très utile. Ça veut dire « je t'aime », ça peut servir. Voilà, c'est toujours bien de déclarer sa flamme, son amour. D'ailleurs, nous, on vous aime tous, là. Oh, جبت البيدا قبل بالشماء Est-ce que vous reconnaissez ce cri ? Ah. Une vieille ballade qui vient de Kabylie, une vieille chanson de Slimane Azam qui s'appelle Adzissa. Aql ghamitjani fel fel أكل وندا يهمل وريعق الحدا خصيميس وريعق الحدا خصيميس أوين يوفنق ما سيوحل هذا سيكمل يتجاول ذا عوينيس يتجاول ذا عوينيس ايام دني تطروح ذك فعم اثمن جارة حفاو فنبض غرن خارن زمانا ثم ظهر الخار الزمان يرقومي بدل صيفا يكثر دي الحرفا وهم انك ويذاك يا غرانا وهم انك ويذاك يا غرانا Thank you. Merci. On a adapté une chanson de Brassens. C'est qui Brassens? C'est ce. La chanson s'appelle Celui qui a mal tourné. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y avait des temps et des temps. Je ne m'étais pas servi mes dents. Je ne mettais pas vin dans mon eau, ni de charbon dans mon fourneau. Tous les croquements silencieux me dévoraient déjà des yeux. Ma dernière heure allait sonner, c'est alors que j'ai mal tourné. Voilà, vous connaissez. Bon, sauf qu'on va la chanter en arabe.